Remplissage. Papa et maman se sont fréquentés quelque temps, puis ont décidé de se marier alors que j'étais en formation. Une cérémonie à laquelle j'ai donc assisté depuis le ventre de ma mère. J'en suis sorti 3 mois après. Étant une féministe, elle était pour l'avortement, et chose qu'elle m'a confirmée, j'étais le fruit de leur amour et pas l'accident qui causa leur mariage. Mon papa est arrivé en France en 1973 depuis le Fouta Toro, alentour du fleuve Sénégal, où il était employé comme soudeur par une grosse entreprise d'extraction minière, les phosphates de Taïba. En Afrique, ce jeune homme s'était fait remarquer pas uniquement pour la qualité de son travail, mais également pour ses activités politiques et ses actes de rébellion. Par exemple, ses anciens patrons de Taïba, européens, avaient pour l'habitude d'organiser des fêtes, pendant lesquelles ils plaçaient devant eux un grand bol de farine. À l'intérieur, ils cachaient une pièce de monnaie. L'employé à la peau noire pouvait plonger sa tête dans la farine pour essayer de la récupérer. D'après mon père, l'humiliation des hommes pauvres faisait beaucoup rigoler les colonisateurs. C'est alors que Sher Khan, mon père, s'est porté volontaire, mais au lieu de baisser la tête, il jeta le bol en fer au visage de ses employeurs. Cela mit définitivement un terme à cette pratique. Parallèlement, dans sa ville natale, Bour, Sénégal, il était l'un des leaders du parti d'opposition et commençait à devenir dangereux pour l'establishment, ceux qui cherchent à se maintenir. C'est ainsi que son travail, sa compréhension et sa capacité à entreprendre expliquent pourquoi les profiteurs et exploiteurs lui ont proposé un travail en France. En résumé, il s'est fait acheter, mais je préfère méditer sur son opportunité. Ma maman était une jeune montagnarde, Beaufort, Savoie, France, et très dynamique. Elle était très impliquée dans un mouvement de la jeunesse chrétienne, le MRJC. Après avoir obtenu son diplôme d'infirmière, c'est avec cette association qu'elle est partie pendant 2 ans en Afrique, à l'est du Cameroun. Une téméraire, sans peur, qui voulait faire un monde meilleur. Cependant, l'animation, la médicalisation, l'évangélisation, dans le soi-disant développement, les frontières sont floues, avec l'impérialisme, le chantage à la vie, la désinformation, et la finalité discutable. Toujours est-il qu'en revenant, elle n'était pas au mieux psychologiquement, sûrement à cause de la dialectique du maître et de l'esclave. Une dépression compréhensible au vu de la considération des Français pour les Africains, entre autres. C'est paradoxalement ma mère qui a dû le plus affronter les clichés des hommes à la peau claire, car ils sont beaucoup moins loquaces, sur deux, quand ils sont en tête-à-tête avec un homme à la peau plus sombre, surtout mon père. Beaucoup de gens, la confrérie de ceux qui privilégient le natal, pensent que deux êtres avec des taux de mélanine différents et avec des religions différentes sont différents. Ils se trompent. D'expérience, même s'ils étaient nés à 5000 km l'un de l'autre, leur culture, leur éducation, leur philosophie de vie avaient bien plus de ressemblances que beaucoup de voisins de berceau. De plus, mes parents partageaient la même idée du couple. Ce fondement commun s'explique par le mode de vie et l'organisation familiale qu'exige l'élevage et la transhumance. Dans le Sahel, au sud du désert saharien, comme dans les montagnes européennes des Alpes, le rythme naturel impose aux femmes de s'occuper de l'éducation des enfants et aux hommes d'avoir une gestion très patrimoniale, en capitalisant les protéines sur plusieurs années. Le capital étant des têtes de bétail, du vivant. C'est dans cette ambiance et avec ces modèles traditionnels que je naquis le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques d'été, le 18 juillet 1976, dans la petite ville d'Albertville. Savoie. Alpes, Europe, monde, système solaire. Mes 4 premiers tours de soleil se passèrent dans un appartement à la résidence du Bosquet à Albertville. M'a-t-on dit, mais m'a-t-on, que j'étais un enfant très turbulent et pas matable, mais qui s'est assagi après la naissance de son petit frère. Les responsabilités de l'aîné. Son congé maternité soldé, ma mère reprit son travail d'infirmière à l'hôpital, pendant que mon père continuait à travailler dans une entreprise de chaudronnerie. Ne pouvant nous surveiller, mon frère et moi, il nous avait placés à la garderie. Mon premier souvenir date de l'été 1979. J'avais 3 ans quand je me suis retrouvé dans cette prison pour enfants. J'étais entouré de bébés avec des couches et des camarades à quatre pattes. Je me faisais royalement chier. Du haut de mes 90 cm, j'étais dans mes débuts en tant que bipède et un escaladeur novice, mais je ne pouvais pas rester là. Je m'ennuyais et j'avais mieux à faire. Donc, je décide de rentrer chez moi. J'escalade un petit arbre qui me permet d'accéder au sommet du mur. Moi, petit homme, saute sur le trottoir, puis traverse une voie ferrée et fait 1 km pour arriver devant la porte de mon ex-appartement. Comme elle restait fermée, je prends l'initiative d'aller jouer chez mon copain Titi. C'est le lieu où les gendarmes et mes parents sont venus me retrouver quelques heures plus tard. Bilan de l'escapade positif, car on ne me remettra en garderie que 35 ans plus tard. Il est remarquable que les souvenirs de cette évasion sont les premières scènes que mon cerveau ait gardées en mémoire. De tout temps, j'ai toujours été plus grand et plus fort physiquement que les autres personnes du même âge. J'utilisais cet avantage principalement pour me défendre et avoir des bonnes notes en éducation sportive, avec une moyenne de 18 sur 20 sur toute ma scolarité. La musique ne m'a pas accroché. Par contre, dans le sport, j'étais polygame. Football, karaté, vélo, skateboard, montagne, tennis, natation. Jusqu'à 10 ans, j'étais dans un club d'athlétisme. Mais mes rêves de gloire dans les arènes se brisèrent le jour où l'on me découvrit la maladie d'Osgood-Schlatter. Durant toute ma croissance osseuse, de 10 à 20 ans, j'ai eu de terribles douleurs aux genoux. Mais cela ne m'a pas empêché de faire du sport. Tout particulièrement le kayak, le canoë ou la pirogue. Ce moyen de déplacement est une pratique extraordinaire sur le plan du contact avec la nature, l'autonomie, les voyages. J'ai eu longtemps Pierrot comme entraîneur avec qui j'ai fait de la compétition. Cependant, ce que j'ai retiré de cette discipline sportive fut bien plus important que l'aspect rivalité et ses rapports mesquins de classement entre humains. J'en ai extrait une approche de la vie. Le kayak est le seul sport où quand un problème, une difficulté, un rapide, se présente, tu ne peux pas faire demi-tour ni fuir. Tu ne peux pas le contourner ni remettre sa résolution à plus tard. Tu l'analyses, choisis une solution, le négocies et le traverses, le tout en essayant d'être bien placé pour le problème qui suit. Pour cela, il faut regarder loin, l'infini, tout en ayant une parfaite maîtrise de l'adrénaline, la peur de l'immédiat. L'adrénaline est une substance qui peut tétaniser en submergeant le cerveau, la décision, et en bloquant les muscles, l'action. Savoir réagir face au danger est très utile en aventure, mais il faut savoir aussi que l'adrénaline est une drogue. Pendant les mois d'hiver, j'étais en manque. Il me fallait ma dose de glisse. À cause de mes genoux, je ne pouvais plus faire de ski. Je fus parmi les premiers à faire du surf des neiges. Au départ, j'étais le seul surfeur de la station. À l'origine, ce sport s'est pratiqué avec des surfs des mers qui ne flottaient pas. Ensuite, le matériel a évolué jusqu'à révolutionner la pratique de nos détracteurs originels, les skieurs. Mais au début, hormis le fait d'être habillé le plus jaune, orange, vert et rose fluorescent possible, à la mode de l'esprit cool et fun du début des années 1990, il n'y avait aucune concurrence. Néanmoins, ce qui m'a passionné pendant toutes ces années, c'est la progression, le « pushing the limit » pour les connaisseurs. Tout était pour moi une histoire de limites. La première définissait la zone de maîtrise, où je contrôlais parfaitement ma trajectoire. Quand je la franchissais, j'entrais dans la zone d'incertitude, où j'avais une angoisse croissante sur ma destination jusqu'à la dernière limite, la barrière physique et matérielle, l'instant où ça dérape, ça vibre, ça plante et ça casse. Mon but était de devenir un dieu, en collant ma limite de maîtrise avec la limite du matériel. Une quête qui fut émaillée de nombreux passages par les urgences hospitalières, plus de 15, et sans cesse prolongée car parallèlement, les planches et les pratiques ont évolué. La limite matérielle étant toujours repoussée, je pris conscience que Dieu ne peut exister que dans un monde sans génie humain. c'est-à-dire dans un univers statique et sans évolution. J'étais loin d'être frustré, car j'étais aussi un constructeur de matériel hors pair, un des dieux créateurs. J'ai produit des nouveaux surfs des neiges, j'ai fabriqué plein de types de kayaks, j'ai inventé des machines et réparé d'innombrables objets. J'étais même plus fort en technologie que fort sportivement. Socialement, dans les cours de récréation, je faisais partie du petit groupe des passionnés d'innovation, les 4 geeks. On me disait timide, introverti et effacé. Pourtant, je n'étais jamais seul. Je côtoyais les garçons, surtout les intellectuels, les solitaires, les marginaux, les originaux. Certains se rapprochaient pour avoir une protection physique. Mais nous avions surtout une solidarité psychique face à l'intolérance des différences. Je faisais partie du 10 000e des plus mats de peau des alentours. Cependant, j'en profitais aussi, car dans ce groupe, je trouvais toujours de l'aide pour compenser mes lenteurs d'écriture et de lecture. Notre fonctionnement à 4 ou 5 personnes, nos discussions, nos relations me permirent de savoir qu'une autre façon de s'organiser était possible. La collaboration sans chef, qui est la définition de l'anarchie. Selon les critères capitalistes et concurrentiels, je n'étais pas intelligent. Au contraire, j'avais des difficultés à réfléchir comme eux, d'où le diagnostic de dyslexique, d'idiot. L'orthophoniste a dit à ma mère qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que je dépasse la 3e, donc le brevet des collèges au maximum. Mes parents ne l'ont pas cru et ont continué à croire en mes capacités. Ils voyaient que j'avais un problème dans l'apprentissage du français, mais que j'avais des facultés qui leur échappaient. Peut-être l'outil de mesure de l'intelligence ne mesurait-il pas les bonnes choses. Par exemple, ma haute ténacité. Une caractéristique que je définirais par ma capacité à atteindre mes objectifs, quelle que soit la difficulté, le temps, l'espace ou les douleurs, cérébrales ou physiques. Si bien que ceux qui étaient considérés comme surdoués ou ayant des facilités étant jeunes, je les ai rattrapés et, dit modestement, j'en ai même dépassé beaucoup. Mais en fait, je les ai tous dépassés. Cependant, malgré ces quelques caractéristiques, j'étais plutôt un adolescent normal jusqu'à 19 ans. Je baignais tranquillement dans la bulle familiale, père, mère, 2 frères, et dans les alentours de ma ville natale, Albertville, Beaufort, Moutiers, Ugines. Mon baccalauréat S, option techno en poche, je pars à l'université d'Annecy, à 50 km, pour étudier l'organisation et la gestion de production. J'habitais dans un appartement avec un ancien camarade de terminale. La vie d'étudiant, c'est cool. Néanmoins, cette soudaine liberté a généré aussi son lot de vices, et plus grave, elle va m'entraîner dans un cercle vicieux qui m'enfoncera dans le déni de la réalité durant toutes mes années d'université. J'étais aspiré par un siphon dont la pente de la spirale était la confiance en la société. Initialement, il y avait mon ambition qui était de faire un monde qui globalement irait vers plus de liberté, d'égalité, de fraternité, d'écologie, d'humanisme, plus de vie, vers le bien, même si je ne l'avais pas encore défini. Il y avait ma réalité intolérable, où je constatais que la tendance de la société allait vers plus d'impérialisme, de racisme, de mensonge, vers le mal. Il y avait l'éducation nationale, capitaliste, qui me faisait la promesse de me donner le pouvoir d'améliorer le fonctionnement, si j'apportais les preuves de ma capacité à satisfaire. Il y avait les médias officiels qui disaient « Ayez confiance, servez le système, respectez la norme et soyez conformes. Rassurez-vous, c'est en train de changer. » Sous-entendu vers le bien. Je réajustais donc mes ambitions puisque les problèmes que j'identifiais étaient, d'après la société, en cours de résolution. Mais je voyais que ce n'était pas le cas. À cette époque, ma réaction était d'abaisser la valeur de mes constatations. J'avais 19 ans, je manquais d'expérience et n'avais aucune raison de ne pas croire un journal télévisé. Je me disais peut-être que les médias, la télé, avaient raison. Simplement, dans ma réalité, je n'avais pas de chance et que les choses devaient être meilleures ailleurs. Je faisais donc une séparation stricte entre les films, la fiction, et les informations officielles, la vérité. Entre les deux, la publicité ne me dérangeait pas, et je lui donnais une place négligeable à cette époque. Je cherchais donc à consommer et à être conforme, le normal de la publicité. Pour moi, c'était donc respecter le standard du métis, c'est-à-dire tous les clichés sociaux dus à mon taux de mélanine, mon sexe masculin, mes origines, mon niveau social et mes ambitions de cadre. L'image parfaite de l'enfant sage. J'avais un petit bouc bien taillé, je fumais occasionnellement du cannabis, j'écoutais du reggae, j'avais une copine bac plus 1, blonde aux yeux bleus, je faisais attention à mon apparence, lunettes ovales, col roulé, jeans, chaussures marron et sac à dos. J'avais une voiture Renault 19 grise et un appartement au rez-de-chaussée. J'étais quand même un jeune homme très sociable et trop débauchable. Sans être une star, j'avais beaucoup de relations, copains de lycée. Je résumerai ma première année à l'université technique par trop de fêtes, musique, alcool, cigarettes rigolotes, surf des neiges. Par conséquent, je n'arrivais plus à rentrer chez mes parents, à 50 km, car je devais récupérer du manque de sommeil. Un double jeu fatigant dû aux fêtes de la semaine, le mec cool, et à mon assiduité au cours, le mec sérieux, hormis en cas de neige fraîche. Cependant, j'avais l'impression de glisser sur une pente qui m'éloignait de mes ambitions. J'ai donc décidé de m'éloigner de mes anciens camarades de lycée et de rentrer dans une compétition scolaire plus difficile. Je suis parti dans le plat pays, à l'université d'Angers à 800 km, lieu où la proportion d'étudiants par habitant est la plus élevée de France, le top en matière de concurrence. Étant seul, j'ai bossé plus dur la physique chimie techno, mais simultanément, je me suis un peu plus enfoncé dans la spirale de l'illusion de la bulle médiatique française. Comment ? En mettant de plus en plus souvent un écran de fumée devant la tendance que suivait réellement la société française. J'ai donc commencé à fumer pour me détendre et oublier. Autrement dit, quand l'écart entre ma façon de vivre et la nécessité logique de changer de vie pour la vie devenait insupportable, l'angoisse, je me faisais une période de stupéfiant, cannabis, plus médias, télévision. Un mauvais mélange. Un cocktail abrutissant où le premier abaisse le niveau de perception et le second me donne des excuses bidons pour continuer à coller à la norme. Affaibli, j'en perdais à chaque fois ma capacité de raisonnement, puis ma volonté de passer à l'action. Finalement et passivement, je me soumettais au prétendu pouvoir donné aux diplômés de faire évoluer la société, le grand mensonge de l'éducation nationaliste. Durant toutes ces années d'études, j'étais arrangeant et arrangé. Au fur et à mesure, je taillais ma vie pour intégrer le moule social. Motivé par mes ambitions de cadre, je me suis retrouvé employé à Paris sans avoir répondu à la question « Ok, intégration, mais dans quoi ?»« La merde ?» Lors de mon année de maîtrise, bac plus 4, j'ai fait mon stage dans un bureau d'études conception de nouveaux produits. L'entreprise s'appelait Ametra, 120 personnes, et était située dans le sud de Paris, à Châtillon. Mon travail y étant été apprécié, j'y revenais un an après pour y faire mon stage de DESS. Notre accord avec le PDG était le suivant. Si j'arrivais à mettre aux normes internationales leur organisation, certification ISO 9001 version 2000, cette société me financerait une année d'études à l'ENSAM, l'École nationale supérieure des arts et métiers. Le top du geek. C'est ainsi que je me suis retrouvé défini comme responsable assurance qualité. À cause de ma capacité d'abnégation, quand on me confie une mission, je la réalise et plutôt bien. En mars 2002, l'entreprise fut certifiée et reçut son diplôme. Mon travail avait consisté à comprendre les exigences de la norme, ensuite déterminer celles qui étaient déjà satisfaites et mettre en place les outils qui permettraient de combler les manques. En plus, il fallait mettre en place une démarche d'amélioration continue de l'organisation. C'était à l'opposé de mes compétences en technologie, car c'était beaucoup de paperasserie, de réunions, de rédaction de rapports, de gestion. C'est pourtant au cœur de cette démarche, on ne peut plus capitaliste, que j'ai redécouvert l'anarchie. Les petits groupes de 4 ou 5 personnes qui se réunissent pour déterminer des actions d'amélioration. Les petits groupes de la cour de récréation. Plein de noms différents leur sont donnés. Réunion qualité, groupe de progrès, cercle de Deming. C'est la richesse de toutes les entreprises. Ils fonctionnent sans chef et sont en capacité de prendre des décisions. Ils ont en moyenne des idées bien meilleures que leur chef ou les spécialistes. Ce qui merde, c'est le financement et la priorisation. Les groupes d'amélioration peuvent générer de très bonnes idées avec un haut rendement en vie. Mais au final, c'est le patron qui va sélectionner les idées en fonction d'un seul critère, la rentabilité en argent. Même si les normes ISO pouvaient paraître saines et logiques, il ne faut pas oublier la définition de la qualité, l'aptitude à satisfaire les besoins du client. Or, un client est une personne qui a de l'argent. L'assurance qualité, c'est donc le boulot de pute par excellence, avec prostitution de son cerveau, 10 heures par jour. Quand on en prend conscience, on peut commencer à répondre à la question « Intégration, mais dans quoi ?» Quels étaient les secteurs d'activité? Les clients servis par l'entreprise Ametra? Schlumberger Pétrole? Prospection pétrolière égale réchauffement climatique? DGA, GIAT, MBDA, SNECMA? Armement égale impérialisme et paupérisation. Renault, sport, auto F1 égale élitisme mortifère. Électricité de France, nucléaire égale éradication de la vie. Je travaillais donc à satisfaire la mort. Impossible de faire plus en décalage avec mes ambitions initiales. Eh bien si, avec le nec plus ultra de la bêtise humaine, comme mon travail au niveau organisationnel avait été remarquable, je me suis ensuite déplacé chez les clients comme consultant extérieur et j'ai fait notamment quelques interventions et un audit dans les bureaux d'études du CEA DAM, Commissariat à l'énergie atomique, Direction des applications militaires. En clair, je participais à la conception et à l'organisation visant à la production des nouvelles bombes nucléaires. Pour info, leurs locaux se trouvent dans le sud de Paris, à côté de la ville de Bruyères-le-Châtel, avec comme coordonnées satellites 48.59 2.20. Il était temps de me poser certaines questions. Par exemple, dans le cas des bombes nucléaires, c'est qui le client? Ma spécialité était la sûreté de fonctionnement. Dans ce cas précis, si quelqu'un appuie sur le bouton déclenchant la guerre nucléaire, faut-il que le bouton fonctionne? Il existe une théorie qui dit que quand l'on a une discussion politique, on en vient toujours à disqualifier la position de l'autre en la comparant au régime nazi. Dans une discussion humaniste, c'est la même chose. Le détracteur en vient toujours à justifier ses positions par la possession des bombes atomiques. Voilà, c'est le matériel qui permet de se donner raison quand on a tort, même logiquement. Elle justifie des abominations. Rien que le fait que le bouton existe, même s'il ne fonctionne pas, il tue déjà. Le client, ici, c'est le national-socialisme, nazisme, ou la priorisation de sa population au détriment de la vie. Dans les bureaux d'études militaires, personne ne se balade avec des croix gammées. L'ambiance y est plutôt sympathique, entre eux. Cependant, en travaillant dans le secteur de l'armement, j'ai compris que le concepteur, ingénieur ou architecte, était la principale cible des médias. Leur but est d'essayer de les maintenir dans des bulles de désinformation, le pays des bisounours. Les bénéfices du CEA DAM sont d'imposer une volonté grâce à un pouvoir de destruction. Il est possible de faire travailler physiquement un être humain en se servant d'armes, de fouets et de chaînes. Mais ici, au cœur du système nationaliste, le travail est intellectuel. Des riches doivent faire prendre à d'autres humains des décisions qui vont à l'encontre de la vie. Le but étant quand même de dépenser le minimum de moyens et d'en extraire le maximum de profit. C'est pourquoi ils ont créé des secteurs, des quartiers, des zones dites sécurisées, ou autrement dit, des parcs bisounours, le sud-sud-ouest de Paris. Leurs esclaves étant circonscrits, il leur était plus facile et rentable de contrôler l'information, publicité, jeux vidéo, relations. Illustration au CEA ou à la DGA, Direction Générale de l'Armement. Les employés ont des bus privés qui les amènent au travail. Que savent-ils de la réalité? Pourtant, ce devraient être les plus réalistes, car c'est eux la clé du système. C'est eux qui produisent des boutons aux conséquences mortelles. C'est eux qui ont la liberté de choisir le taux de rentabilité de leur travail. L'horreur absolue quand on travaille dans ce secteur, c'est de réfléchir logique. Par exemple, dans les outils d'aide à la décision qui sont utilisés, y compris dans l'armement, il y a l'AMDEC. C'est un outil d'évaluation des risques et de détermination des actions nécessaires pour en limiter les effets. Les risques les plus élevés sont notés 7. Ces défaillances, problèmes, ne doivent jamais arriver car cela provoquerait beaucoup de morts, accidentelles. Cet outil demande donc de prévoir le maximum de moyens pour que cela n'arrive pas. Tout le monde sait que le risque zéro n'existe pas. La probabilité d'apparition égale l'occurrence. Autrement dit, on est certain que cette défaillance arrivera un jour. Avec cet outil, le système prend le risque de faire X nombre de morts. Mais là où c'est dangereux, c'est qu'il n'y a pas de limite à X. Les personnes en charge de la notation ne peuvent pas mettre une note de 8, ce qui impliquerait l'abandon du projet car trop de morts. Si X tend vers l'infini, et si un bureaucrate décide de faire un truc qui peut éradiquer toute vie sur Terre, dans l'organisation actuelle, personne ne peut l'arrêter, car même le plus intelligent n'a pas de droit de veto. Il y a plein d'autres outils comme l'AMDEC en charge de brider leurs réflexions ou de limiter leurs responsabilités. C'est du développement limité où tous ceux qui travaillent considèrent que la Terre est plate ou qu'elle se réduit à la nation. Telle qu'elle est organisée, la société française est le summum de la dangerosité et en plus, elle n'est pas rentable en vie. Elle génère plus de morts que de vies. Cet aspect est fondamental, car c'est à l'intérieur de cette usine de morts, la France, que l'on essayait de m'intégrer. Alors, résilience. En 2003, je ne pouvais plus nier la réalité. En collaborant, je produisais de la mort. Rien dans la société n'allait dans le sens de générer moins de morts. Plus je prenais conscience de cette réalité, et moins je pouvais me raccrocher aux promesses de pouvoir changer cette réalité au bout de mes études. Il fallait cracher dans la soupe, couper la branche sur laquelle j'étais assis et surtout briser le cercle vicieux. J'avais 26 ans et un petit bouc bien taillé. Je fumais presque quotidiennement du cannabis, j'écoutais Radio France Info, j'avais une copine Bac plus 5, châtain aux yeux marrons, je portais l'uniforme de cadre, lunettes carrées, costard noir, chemise, cravate bleue, chaussures noires vernies et attaché-caisse noire. J'avais une voiture Seat Toledo, rouge jantes alu, appartement au 11e étage avec vue sur Paris. Et j'avais besoin de toujours plus d'argent. Donc, je devais accepter chaque jour un peu plus de soumission et perdre un peu plus de mon humanisme. Stop. À partir de là, ma méfiance médiatique, la consommation, a pris le dessus et j'ai entamé des enquêtes systématiques sur leurs mensonges. D'être des bienfaiteurs de l'humanité. La vérité a pointé. J'ai percé ma bulle médiatique. Je remontais la pente vers le primordial. Pendant 7 ans, je m'étais inséré dans la société, je m'étais intégré dans le capitalisme, j'étais devenu vicieux, mais j'avais désintégré mes convictions initiales et mes ambitions. Il était vital de m'émanciper du mensonge. Libération de cet argent. Il n'était plus question de fuir. La France, son capitalisme, égale la mort. Alors, juste avant mon dernier examen scolaire, la dernière colle de ma vie, portant sur l'assurance qualité, mon ex-spécialité, j'ai fumé mon dernier joint en cannabis. Ensuite, n'étant plus entraîné par la montée et la descente due aux prises de drogue, le cocktail cannabis média, j'ai dû affronter la réalité. J'étais au plus bas dans les actions humanitaires, mais j'ai décollé. M'étant libéré de ma camisole, j'ai pu pousser jusqu'au bout le raisonnement, c'est-à-dire définir qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. La vie, le vivant, devenant donc ma raison de vivre, et mon but étant d'être le meilleur des humanitaires, le plus rentable en vie. Le début de grandes aventures et d'inimaginables découvertes. C'est en juillet 2003, quelques jours après mon anniversaire et 3 mois après avoir arrêté les stupéfiants, que j'ai pris en compte un autre mode de communication. Je me battais et débattais avec certaines certitudes depuis quelques semaines, car en tant que scientifique, je ne crois pas en la magie. Cependant, en analysant mes relations, j'en étais arrivé à la constatation que mon entourage, familial, professionnel, sexuel, amical, provenait à 70% d'une petite zone de Bretagne. Or, toutes ces personnes ne pouvaient pas se connaître physiquement. Impossible qu'il y ait aussi peu de diversité dans mon entourage, alors que j'étais à Paris et originaire des Alpes. C'était impossible, une énorme anomalie statistique. Scientifiquement, elle m'a permis de prouver, d'accepter et de prendre en compte qu'il y a un autre mode de communication. Je l'appellerai neuronal, mais certains cachent ceci sous le terme de spiritualité. Depuis cette date, en scientifique, j'expérimente son utilisation, son fonctionnement et ses mécanismes. Un jour, j'écrirai un livre à ce sujet, car je suis allé de découverte en découverte. Mais cet été-là, j'ai simplement pris conscience que je pouvais émettre des pensées et que j'étais en capacité d'en recevoir. Les conséquences furent très bénéfiques à long terme, car logiquement, cela a impliqué une autodiscipline encore plus radicale. Maintenant, si je voulais faire le bien, il fallait le faire physiquement, action. Mais aussi, il fallait constamment bien penser, donc générer à chaque instant de saines et bonnes pensées. Les premiers temps furent terribles pour moi et difficiles pour mon entourage. On m'a accusé de tous les maux. Paranoïa, schizophrénie, psychorigidité. Ce sont pourtant des maladies souvent provoquées par l'usage de stupéfiants. Plasticité. Mais dans mon cas, c'est quand j'ai arrêté leur usage que l'on m'a taxé d'anormal. Au début, je subissais un harcèlement psychologique violent, mais j'ai tenu, ténacité. J'avais la force, élastique, car personne n'a jamais pu me démontrer logiquement que je me trompais sur la définition du bien. Je faisais le bien et sans concession. C'est tout. C'est mon but. Étonnamment, cette période a été très constructive, car j'ai réfléchi sur tout. J'ai remis en question chacune de mes actions. J'ai dû désapprendre ce qui n'allait pas dans le sens de la vie. J'ai éloigné mes relations, car de mon point de vue, ils n'évoluaient pas assez vite, ou pas dans le même sens. Notamment mes anciens camarades de classe. Moi, je recherchais à avoir une rentabilité en vie avant d'avoir une rentabilité financière. Néanmoins, chose importante, je n'ai jamais renoncé à utiliser le savoir acquis, simplement, je l'utilisais à d'autres fins. Au final, sur le plan de l'éducation nationale, je suis dans les 1% de ma génération ayant fait le plus d'études, Bac plus 6, et ce, dans de prestigieuses écoles. IUT OGP à Annecy, DEUC Physique Chimie à Angers, IUP Qualité Sûreté de Fonctionnement Istia à Angers, DESS Maintenance à Tours, Master Management de la Maintenance ENSAM à Paris. En septembre, mon diplôme de Master de l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers obtenu, et toutes mes promesses ayant été tenues, je négocie mon licenciement économique avec la société Ametra. J'ai pu ainsi m'affranchir du patronat et de ses décisions vénales. Diviser pour régner au plus grand profit des actionnaires, c'est la stratégie capitaliste. Le rôle de la hiérarchie est de bloquer les idées qui n'iraient pas dans ce sens. Bien qu'à l'époque, je l'ignorais, j'étais un anarchiste. Je souhaitais créer une société, une entreprise, où le premier client, c'est la vie. C'est plus que possible, c'est logique, très simple, et cela demande peu de moyens. La réponse est organisationnelle, et je compte bien un jour avoir le temps d'écrire un livre à ce sujet. Peut-être lors de mes futurs séjours en prison. Son résumé serait la mise en place d'une organisation viable où chacun aurait un droit de veto sur les décisions du groupe et où chacun puisse soumettre ses idées d'amélioration vers une rentabilité en vie. De facto, donner les moyens au groupe d'aller vers le bien. Prenons comme exemple, ou plutôt contre-exemple pratique de l'influence de l'organisation sur le résultat en vie, la France. Le résultat des urnes a eu pour conséquence les décisions prises au cours de ces 50 dernières années et il porte la responsabilité de la non-rentabilité en vie du pays. C'est faux. C'est biaisé car cette boîte n'est que la centralisation des décisions prises dans un isoloir, donc c'est le résultat des isoloirs. S'il n'y avait pas eu d'isoloir, le résultat des urnes aurait été très différent, ainsi que la tendance égocentrique de la société. Logiquement, de proche en proche, la France aurait été bénéficiaire en vie. Mon raisonnement est le suivant. Si une personne doit acheter du pain et qu'elle connaît l'opinion de son boulanger, je suis certain que si cette opinion ne va pas dans le sens de la satisfaction des intérêts de son client, cette personne sera prête à faire 50 mètres de plus pour financer un autre boulanger plus généreux, qui, lui, aura d'autant plus de moyens pour financer un représentant encore plus généreux, etc. D'où la rentabilité en vie. Dans ce cas, le seul rôle de la police serait de préserver la vie, garantir le droit de veto à tous et prévenir les pressions préélectorales. Un rôle qui est à l'opposé de sa mission actuelle, protéger les biens, pas le bien. Mais stop! Gardons un peu de choses à écrire pour mes futures cellules. Déjà, à l'automne 2003, j'avais une idée bien précise de l'organisation envisagée et il me fallait juste une source de richesse à gérer. Je décide de me lancer dans la vidéo en commercialisant le stabilisateur de caméra que j'avais inventé pour illustrer ma thèse dont le sujet était « La mise en place de la sûreté de fonctionnement en phase de conception ». Physiquement, le principe de ce stabilisateur est simple. Le poids sert à maintenir la caméra à l'horizontale, et cela, quels que soient les mouvements du support. Ses applications sont principalement nautiques. Il permet de s'affranchir des mouvements d'un bateau, chahuté par les vagues. En résultat, une production d'images stables sur l'horizon infini, donc visible sans avoir le mal de mer. De plus, j'utilisais deux technologies de prise de vue. L'une en format classique et l'autre en 360 degrés. Commercialement, ma stratégie était d'avoir les prix les plus bas et la technologie la plus innovante. Aucun complexe, je proposais mes services à tout le monde, sauf militaires et police. Ce qui était une grande différence avec mes concurrents qui, eux, se focalisaient uniquement sur les plus riches. Financièrement, pas d'emprunt. Et il fallait que je garde suffisamment d'indépendance pour pouvoir transférer les bénéfices à une future association humanitaire. L'ensemble des questions sur le pourquoi de cette société, je l'ai synthétisé dans un document ayant comme titre « Le manuel d'assurance qualité humain ». Ce texte était la raison sociale de cette entreprise. En 10 pages, il exposait la perception que j'avais de la société française et proposait des solutions. J'ai pu le faire lire à mon père, avant qu'il meure sur la route en mars 2005. Cet opportuniste et ambitieux jeune homme, qui était arrivé en France en 1973, avait réussi du point de vue capitaliste. Il était devenu le patron et le propriétaire d'un atelier de chaudronnerie. Il était à l'époque le seul chef d'entreprise de plus de 10 salariés d'origine subsaharienne de toute l'Europe. En ayant lu mon texte, quelques mois avant son décès, nous avions pu en discuter. J'ai appris qu'il avait lui aussi beaucoup de désillusions sur la société française et sa tendance. Il est mort au travail, ou plus précisément, ils l'ont tué au travail. À ce moment-là, ma SARL coopérative et humaniste avait quelques clients. Reprendre l'entreprise de mon père, la question s'est posée. Mais j'ai refusé car la finalité capitaliste de son entreprise n'était pas la mienne. En plus, ses clients étaient les promoteurs de sa mort et les serviteurs de la Société française mortifère. Autonomie et indépendance ne sont pas les mamelles avec lesquelles la France nourrit sa population. Cependant, je ne sais pas si c'est ma décision de prendre en main mon destin ou mon intransigeance à faire le bien, mais mes emmerdes administratives ont commencé autour de cette date. Car dès lors, et pendant 11 ans, ce qui représente des centaines de démarches administratives, elles ont toutes fait l'objet d'erreurs en ma défaveur. Les preuves sont dans les fichiers informatiques des administrations. J'ai personnellement gardé toutes les preuves papier jusqu'en 2010, date à laquelle j'ai autorisé mon frère à tout brûler, mes diplômes y compris. J'en profite pour mettre deux points sur les i de celles et ceux qui m'ont accusé de paranoïa. Chaque événement a une certaine probabilité de se produire, pile ou face. Quand il se produit 4 fois consécutives, on peut commencer à avoir un doute. À partir de 7 fois, on peut avoir une certitude. Donc, avant même d'arriver à 100 fois, on peut affirmer que c'est du systématique. Pendant la première année de mon entreprise, j'ai comptabilisé tous mes temps de travail. Au bilan, sur 1 an, j'ai passé 2 mois entiers à régler des problèmes administratifs. 2 exemples pour en comprendre l'étendue. Prenons la première démarche administrative d'une société, son enregistrement au greffe. Des fonctionnaires ont fait une erreur de saisie sur la date de création de ma société. Ensuite, ils m'ont envoyé les huissiers pour que je paye les impôts d'une année où ma société n'était pas encore créée. Je passerai sur les erreurs des services fiscaux, des banques, de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse, etc. Pour parler seulement de la dernière démarche, après la radiation du greffe. Récupérer le trop-perçu de cotisation, 1 200 euros, que j'avais versé aux administrations. Même après avoir reconnu ses torts, RSI, l'État ne m'a jamais remboursé. Mais au final, leur fric, leur magouille et leur mépris ont été les principaux artisans de ma haine pour les francophiles. Je vous remercie, vous les fonctionnaires nationalistes, car vous m'avez expulsé du pays des bisounours. Et vous m'avez permis de justifier, chiffrer et prouver ce qui, au départ, n'était qu'une impression. Si vous ajoutez à cela le nucléaire, l'armement, le luxe, l'alcool, la pollution, la paupérisation, la société française est le plus grand parasite de l'humanité. La France profite de la vie. Si elle a un problème d'identité, qu'elle pense aux moustiques. L'organisme de pillage qu'est la France, extractivisme, ne correspondait pas avec ma société, création d'une fédération des artisans africains et projet de construction de hauts fourneaux en Afrique, entamé le 22 décembre 2003. Cependant, j'ai trouvé les procédés pour stopper l'expansion de mon entreprise humaniste déloyaux, mais efficaces. Malheureusement, en janvier 2004, je ne gagnais pas assez pour en vivre. J'ai donc décidé d'allier la nécessaire diminution de mes frais avec mes convictions. Ma dépense principale était le logement. Les loyers parisiens étant très chers et mon métier de vidéaste m'obligeant à faire de nombreux déplacements, c'est tout naturellement que j'ai déménagé dans un fourgon. Je connaissais déjà ce mode de vie, car pour rembourser quelques dettes, j'avais travaillé dans les vignes. C'est là que pour la première fois, à l'automne 2003, j'ai pu rencontrer quelques routards et leurs habitations roulantes. En mars, je partis au Sénégal, car chez les Peuls, Foulbé, une cérémonie du souvenir est organisée 1 an après un décès. Je participais donc à l'anniversaire de la mort de mon père. Parallèlement, j'en profitais pour initier au Sénégal la création officielle de l'association qui était en cours de financement via ma société de vidéo, SARL V360. Le but de cette association, BEH, était de fédérer les artisans pour permettre l'émergence d'une industrie africaine. Nécessité provenant du fait qu'il y a beaucoup de compétences, mais qu'elles sont maintenues désorganisées pour qu'elles ne se structurent pas autour d'un objectif commun. Dans un premier temps, l'idée était donc de faire un bureau d'études de nouveaux produits et uniquement avec les savoir-faire existants. De plus, l'association se serait chargée de commercialiser les produits par un système de troc entre artisans, pêcheurs, éleveurs et agriculteurs. Il y aurait eu la possibilité de payer les produits et les productions en nature, le tout officiellement. Pourquoi cela n'existait-il pas déjà? C'est que lorsque quelques personnes commencent à se regrouper et gagner en toute autonomie de l'argent, la police leur tombe dessus, violemment, pour les déposséder. Ces porteurs d'armes, en fer, prétextent la non-autorisation légale d'exercer leur activité. Or, l'État, en échange de leur privation d'entreprendre, ne leur offre aucune source d'enrichissement, ni aucun service, ni aucune sécurité. Mais ne vous y trompez pas, c'est le même moustique tricolore que précédemment cité. À mon retour en France, je partis sur les routes avec mon fourgon aménagé. Je me déplaçais en fonction des besoins en main-d'œuvre et des intérêts en vie humaine. Quoi de plus rentable pour la vie que de participer à la production de nourriture? C'est donc idéologiquement que je me suis dirigé vers les travaux agricoles. En plus, c'était des emplois physiques où je pouvais penser à mes projets tout en gagnant le financement de mes projets. Travailler sans avoir à prostituer son cerveau, c'est agréable. Dans le département de la Drôme, sud-est de la France, j'ai travaillé dans les vignes, puis à la cueillette des abricots. En juillet, quand tous les champs furent récoltés, je pris la direction de Perpignan, sud de la France. On m'avait dit que c'est là que les vendanges commencent en premier. Étant arrivé un peu trop tôt, je participais à la fin de la récolte des pêches, puis je menais deux boulots de front. Le matin, vendange, et l'après-midi, caviste. 14 heures par jour. Finalement, la coopérative me proposa de travailler à plein temps à la cave, soit 10 heures par jour. Deux raisons à cela. La première est que je suis travailleur, et la deuxième est que je ne buvais pas d'alcool, chose rare dans le métier. Cet emploi était bien payé, mais il était physique, intellectuel et dangereux. Malgré tout, j'ai eu le temps de réfléchir à ce à quoi je travaillais. À l'heure actuelle, il existe de nombreux autres procédés que la vinification pour conserver du jus de raisin. La pasteurisation, la congélation, la déshydratation. Mon travail consistait donc à faire apprécier l'alcool, qui est un poison pour l'organisme et sûrement le plus grand poison de l'humanité. Il a été prouvé par une enquête et une étude statistique, SUVIMAX, que le vin n'apportait aucun bienfait à la santé, en tout cas, moins qu'un jus de raisin non fermenté. Mais concrètement, il n'avait pas compté combien d'argent perdu, combien de violences et de viols, combien de vies perdues. Produire et vendre de l'alcool, quelle différence avec un producteur vendeur d'armes? Tuer en empoisonnant ou en déchirant la chair, est-ce différent? Fin septembre, je reprends la route vers le nord, direction le Limousin. Cueillir des pommes sera plus en phase avec mes convictions. Je décroche ma dernière pomme en novembre et enchaîne par la récolte des noix pendant quelques jours. Mon capital était suffisant pour vivre quelques mois. Je remonte à Paris. Là, je continue à prospecter pour mon entreprise V360. Plus je réfléchissais au fonctionnement, plus je prenais conscience de la finalité des médias, fournir des excuses au capitalisme, moins j'avais envie d'en faire partie. Tout est affaire de copinage, de communautarisme, de corruption et de complaisance envers les riches. Alors force est de constater que le financement d'une entreprise humaniste n'est pas possible en France. Dernière voie légale, l'associatif. Malgré une expérience décevante à ISF, Ingénieurs sans frontières, je m'impliquais dans une petite association, JAD, Jeunes acteurs du développement. Mon but ? Faire du commerce équitable pour financer l'association des artisans et recruter les meilleurs artisans pour les associer. L'objectif étant d'aller beaucoup plus loin que ce qui existait déjà. Voici les plus de mon organisation. L'acheteur avait l'adresse directe de l'artisan et le détail de tous les coûts. Fabrication, taxes, transport. Puis il recevait le retour d'information de comment l'artisan avait utilisé ses bénéfices. L'artisan avait lui également l'adresse de tous ses clients et avait l'obligation de faire un rapport sur ses investissements en justifiant pour chacun les profits en vie espérés. Ces dispositions ne concernaient que les objets que je faisais venir d'Afrique. Mais les autres membres de l'association avaient des relations avec d'autres continents, Asie, Amérique du Sud, Australie. C'est ainsi que je me suis retrouvé à vendre sur les brocantes et les vide-greniers des objets issus du monde entier via un commerce équitable. J'étais content. Cela me permettait de discuter et en plus les personnes venaient pour autre chose que mon fourgon. Oui, car mon véhicule maison était une attraction. Je l'avais peint avec une idée simple. Il faut communiquer sur le thème de l'humanité pour faire travailler les autres en ce sens et provoquer une sorte de capitalisme pour la vie. Autrement dit, introduire dans les pensées du passant la notion d'humanité et contrer les messages qui le poussent à l'égocentrisme. Par exemple, le message de la société L'Oréal, « Parce que je le vaux bien ». Ce qui veut dire aussi « Tu n'es pas inestimable ». Aux enchères, on peut donner de la valeur à de la merde. Il te reste le choix. Tu es un bien mobilier ou immobilier. La cosmétique est la nouvelle marque des esclaves. Mon fourgon était un espace publicitaire de choix. Légalement, j'étais obligé de me déplacer au moins tous les 3 jours. Passé ce délai, la loi autorise la police à envoyer ma maison à la fourrière pour stationnement abusif. Autant circuler pour une bonne raison, la vie. Techniquement, je l'avais peint avec des couleurs vives. De chaque côté, j'avais fait une fresque et à l'avant, j'avais inscrit la définition du bien avec écrit en rouge et en très gros « espèce humaine ». Notez un peu comme sur d'autres fourgons, il est marqué « police ». Stratégiquement, avec ma maison mobile, j'ai quadrillé tout Paris, tous ses arrondissements et toutes ses banlieues. Je ne me limitais pas à l'Île-de-France, car je profitais de chacun de mes déplacements, Lille, Lyon, Marseille, pour faire de la propagande humaniste. Résultat, Sarkozy. L'efficacité de ma démarche était à remettre en cause. En tout cas, elle n'était pas suffisante pour influer sur cette vieillissante et rétrograde société française. Je décide de mettre en veille ma société de vidéo et de transférer tous les bénéfices à l'Association des bureaux d'études, toujours en cours d'officialisation au Sénégal. À titre personnel, je devais subvenir à mes besoins vitaux, comme manger et me chauffer. J'ai donc repris la route du Sud pour cueillir des pêches. Pendant ces 4 mois à ramasser des fruits, je me suis posé des questions sur mes actions et même en octobre, en cueillant des kiwis, j'avais l'impression de collaborer avec la société mortifère française. Pourtant, le kiwi est au top en matière de bienfaits humains par kilo. Cependant, il faut prendre en considération qu'un médecin qui soigne les gardiens d'un camp d'extermination, par exemple nazi, n'est pas rentable en vie et dans cette situation, les empoisonnés l'auraient été. Personnellement, je ne nourrissais pas les bonnes personnes. Cette saison d'été m'a permis de choisir de nouvelles orientations. Je ne ferai pas d'enfants et je ne me mettrai pas en couple. Autrement dit, je travaille pour tous les enfants du monde et je me marie avec l'humanité. Je liquide tout ce que j'ai en France, entreprise, appartement, part sociale. Je pars travailler à l'étranger. Je détermine s'il est plus rentable en vie de construire pour le bien ou d'attaquer le mal. À mon retour sur Paris, en décembre, je devins un bienfaiteur opportuniste. Je drague les bonnes actions. J'aide tant que je peux ceux mis en difficulté par le système et qui vont dans le même sens que moi. Simultanément, je travaillais l'aspect technique de mon fourgon. Le but étant d'avoir la façon de vivre la moins dommageable possible pour mon environnement. Je supprime le gasoil et le remplace par de l'huile végétale recyclée. Je construis une éolienne sur mon toit à partir de vieux alternateurs de voitures. J'investis dans des appareils économes en énergie. Au bilan, je n'avais plus besoin que de 100 euros par mois pour vivre et me déplacer. J'avais une pollution quasi nulle, avec une surproduction d'électricité et surtout mes conditions de vie qui, après s'être dégradées pendant des années, s'améliorèrent de façon exponentielle. Les bénéfices les plus importants de l'application de cette idéologie furent surtout au plan mental. De m'être forcé pendant des années à penser toujours dans le même sens, celui du bien, j'avais provoqué une forme de réflexe. Je n'avais plus vraiment besoin de me poser des questions, car j'y avais déjà répondu. Il y avait des gros profits, y compris au niveau de la mémoire. Je retrouvais plus vite et mieux les choses, car les informations avaient été rangées toujours selon la même logique. Je pense à la situation dans laquelle j'étais, sachant la façon dont j'ai forcément réfléchi, en vue de faire le bien, je retrouve l'information ou je la reconstitue. Il n'y avait plus de paradoxe dans mes pensées, et je m'apercevais qu'après avoir été agressé, spirituellement, pendant des années, je devenais l'agresseur. Je générais de la peur et du respect sur ma route.